cuore toni sur la terre, si te la fame las de Roméo, si moi qui les ai mariés. Oui, je dois l'avouer, j'y voyais le gage salutaire d'une amitié future entre vos deux maisons. Nous l'aimons. Mais vous avez repris la guerre de famille pour fuir notre humaine, la malheureuse fille au désespoir va me trouver. Vous seul, s'écria-t-elle, auriez pu me sauver. Je n'ai plus qu'à mourir dans ce péril extrême. Je lui fis part afin de conjurer le sort. Un breuvage qui le soir même prêta la pâleur et le froid de la mort. Et je venais sans crainte ici la secouir, mais Roméo trompé dans la funèbre enceinte m'avait devancé pour mourir sur le corps de sa bien-aimée. Presse à son réveil, Juliette informée de cette mort qu'il porte en son sein dévasté, de fait.